51e leçon. RSVP. Et maintenant, quelques questions. Où est Paul ? Qu'est-ce qu'il a fait avant-hier ? Est-ce qu'il a visité Montpellier ? Quand est-ce qu'il a téléphoné à Oncle Jacques ? Est-ce qu'il a pris des photos ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire en Camargue ? À qui est-ce qu'il écrit ? Quelle dure journée aujourd'hui au bureau ! Nous avons travaillé comme quatre. Vous devez être épuisé. Pas tellement. Nous sommes huit au bureau. Exercice. Est-ce que vous avez visité la Normandie ? Est-ce qu'il a essayé ce chapeau ? À qui est-ce que vous avez parlé au téléphone ? Quelle dure journée ! Je suis épuisé. J'ai tellement de travail aujourd'hui.